Parmi les chefs-d'œuvre que Jean Racine écrivit au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, j'en ai choisi trois, Andromaque, Britannicus, Phèdre. Vous trouverez, ci-après, une présentation de chacune de ces trois tragédies. La tragédie d'Andromaque est une des très nombreuses suites de la guerre de Troie, dont il convient peut-être de vous rappeler le nom des principaux acteurs. Hélène, femme du roi de Sparte, Ménélas, a été enlevée par Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Pour rendre Hélène à Ménélas, les Grecs, sous les ordres d'Agamemnon, roi d'Argos et de Mycène, et beau-frère de Ménélas, partirent en guerre contre Troie. À côté d'Agamemnon et de Ménélas, figuraient notamment, parmi les rois grecs, le bouillant Achille, roi de l'Épire, et Ulysse, le roi d'Ithaque. Après la mort d'un des fils de Priam, Hector, tué par Achille, et grâce au fameux cheval cadeau piège imaginé par Ulysse, les Grecs ont pu entrer dans Troie, la piller, l'incendier et massacrer ses habitants. Parmi les survivants troyens, Andromaque, veuve d'Hector, et leur jeune fils Astyanax ont été ramenés en Grèce comme esclaves par Pyrrhus, fils et successeur d'Achille, à la tête du royaume de l'Épire. Je ne sais plus quel humoriste a résumé Andromaque, la tragédie de Racine, de la façon suivante. Pylade aime Oreste qu'il a oublié, car il aime Hermione qui ne l'aime pas, car elle aime Pyrrhus qui ne l'aime pas, car il aime Andromaque qui ne l'aime pas, car elle aime Hector qui est mort, et leur fils Astyanax qui n'y comprend rien. Je vous propose maintenant un aperçu plus étoffé de cette tragédie de Racine. Cette tragédie en cinq actes se déroule dans le palais de Pyrrhus, à Buthrote, capitale de l'Épire. Fille d'Hélène et Ménélas, Hermione, fiancée à Pyrrhus, attend à Buthrote les noces promises. Le fils d'Agamemnon, Oreste, cousin germain d'Hermione, dont il fut un malheureux prétendant, retrouve dans le palais de Pyrrhus Pylade, son ami de toujours, qui croyait Oreste enfin guéri de son amour pour Hermione.